Chapitre 10e. 2 ans s'étaient passés. Dès le commencement de juillet, Madame de Ria s'était installée à Deauville pour la saison avec sa mère et ses enfants. Elle habitait la villa des Rosiers, dont le jardin s'ouvre sur la terrasse entre le casino et les dunes. Elle avait autour d'elle bon nombre de ses amis de Paris, et en particulier Mesdames de Chelles et d'Estrény. Madame de Chelles, avec qui elle avait renoué ses anciennes relations assez malheureusement, était à Villers, la duchesse à Houlgate. Les trois cousines voisinaient entre elles fort activement et formaient le noyau d'une coterie élégante qui ne se piquait pas de mélancolie. Quelques-uns de leurs valseurs de l'hiver étaient par hasard répandus sur la côte et contribuaient, comme on dit, à animer le paysage. Ils étaient chargés d'inventer et de mettre en scène chaque jour quelques divertissements nouveaux sur la terre ou sur l'onde, promenades en mer, partie de pêche, cavalcade à travers les campagnes, dîner sur l'herbe et retour au clair de lune. Parfois, le soir, cette bande brillante envahissait triomphalement quelqu'un des casinos de la plage. Mais le plus souvent, on dansait entre soi, où l'on jouait la comédie tantôt dans le salon d'une de ces dames, tantôt dans les bosquets de tamaris pavoisés de lanternes vénitiennes. Une vive pointe de galanterie se mêlant à tout cela. C'était en somme un genre de vie fort gai pour tout le monde, excepté pour Madame Fitzgerald, qui en suivait le mouvement avec quelque fatigue, et pour Monsieur de Rias, qui ne le suivait pas du tout. Il était demeuré, quant à lui, en villégiature à Paris, selon sa coutume, et ne faisait à la Villa des Rosiers que de rares et courtes apparitions consacrées à l'édification du public et des domestiques. Il n'y avait jamais entre sa femme et lui l'ombre d'une scène ou d'une explication. Mais ce que pouvait être alors leur intimité, on le devine, c'était ce misérable état d'hostilité sourde et permanente qu'est celui de tant de ménages, où l'un ne peut dire un mot sans être contredit par l'autre, où chaque parole est une allusion perfide, un reproche amer, une rancune. Madame de Rias voyait avec plaisir disparaître à l'horizon la physionomie sombre et ironique de son mari. En revanche, Madame Fitzgerald épuisait toutes ses grâces, vainement il est vrai, pour retenir auprès d'elle un gendre qui n'avait pas assurément réalisé toutes ses espérances, mais pour lequel elle conservait un certain faible, et dont elle ne prenait pas d'ailleurs les freudaines galantes trop tragiques. « Ce qui m'étonne de mon gendre, disait-elle confidentiellement à la marquise de La Veille, qui était elle-même en déplacement à Trouville, ce qui m'étonne de mon gendre, c'est son attitude avec ma fille, mon Dieu. Qu'il trompe ma fille, qu'il court les demoiselles. À propos, il paraît que c'est fini avec cette Silva. Nous rentrons dans le corps de ballet tout bonnement. Eh bien donc, qu'il trompe ma fille, qu'il court les demoiselles, c'est ce qui se voit tous les jours. Mais ce qui ne se voit pas tous les jours, c'est qu'avec cela il soit mal pour ma fille. Il est charmant pour moi, tout à fait charmant, car c'est un monsieur excessivement agréable quand il veut. « Je crois bien l'animal, » murmura la vieille marquise. « Eh bien, pour ma fille, il est de la plus extrême maussaderie. Non content de la trahir jour et nuit, il la boude. Vous m'avouerez que de la part d'un homme aussi spirituel que mon gendre, c'est une chose incompréhensible. Qu'est-ce qu'il veut? Veut-il pousser ma fille à bout? Qu'il la trompe tant qu'il lui plaira, mais au moins qu'il soit aimable pour elle, c'est élémentaire. Autrement, ma pauvre fille finira par perdre la tête. Car enfin, elle est fort entourée, cette jeune femme. Certainement, j'ai la plus entière confiance dans ses principes. Mais après tout, elle n'est pas de pierre. J'aime beaucoup mon gendre, malgré ses torts incontestables. Et je serais désolé qu'il lui arrive à quelque chose de fâcheux. Mais véritablement, il est trop léger. Il est trop léger. Il est fou, dit la marquise. Je vous dis qu'il est fou, qu'on ne m'en parle plus. Les alarmes que l'instinct de la femme et de la mère éveillaient chez Madame Fitzgerald étaient malheureusement justifiées. Madame de Rias en était venue à cette heure fatale que l'expérience de son mari lui avait autrefois prédite. Elle s'était blasée peu à peu sur les joies bruyantes qui avaient enivré sa première jeunesse. L'agitation mondaine, la toilette, la danse, la fête perpétuelle de sa vie ne lui suffisaient plus. Son imagination et son cœur la sollicitaient en même temps d'ajouter à ce fond banal quelque intérêt plus nouveau, plus vif et plus sérieux. On peut croire qu'il ne manquait pas de gens autour d'elle, tout prêts à seconder de telles dispositions. Il n'est pas rare que les excitations et les luttes de la vanité se joignent au mouvement de la passion pour déterminer les préférences d'une femme. Dans les groupes mondains réunis par des relations particulières de convenance et de plaisir, il se trouve assez habituellement quelques personnages principaux qui ont le privilège de provoquer la concurrence des coquetteries féminines, et dont la conquête n'est pas seulement une satisfaction du cœur, mais en même temps un triomphe de l'orgueil. Ce rôle agréable était rempli dans l'entourage de Madame de Rias par le vicomte Roger de Pontis, qui était le parent du duc d'Estrénie. C'était une manière de mauvais sujet sympathique. Après avoir mangé sa fortune dans les coulisses et sur le turf, il s'était engagé à 25 ans dans un régiment de hussards. Il s'y était fort vaillamment comporté et y avait gagné rapidement le grade de lieutenant. Puis, à la suite d'un héritage inespéré, il était rentré dans la vie civile. Ses folies, son courage, ses aventures de guerre et d'amour le recommandaient puissamment à l'intérêt des dames. Elles l'aimaient pour ses qualités, plus encore peut-être pour ses vices. Il avait au reste le mérite de se dépenser pour elles sans mesure et sous toutes les formes. Il faisait 12 lieues à cheval dans la nuit pour aller leur acheter un écheveau de soie qu'il dévidait ensuite à leurs pieds. Il leur chantait des romances, il leur donnait des leçons d'équitation, il menait le cotillon, il organisait les charades, les parties de campagne, les lunchs, les feux d'artifice et toutes les fantaisies dont elles pouvaient s'aviser. Il était propre à tout et prêt à tout pour leur plaire, leste et gai comme un page, souple et ardent comme un tigre. Sous ses apparences d'aimable fou, Roger, vicomte de Pontis, était un homme et surtout un amoureux très fin, très expérimenté et très dangereux. Fort épris de Madame de Rias, il l'avait jugée tout de suite avec une grande sûreté de coup d'œil. Il avait parfaitement compris qu'une place aussi neuve et aussi forte ne pouvait s'emporter par un coup de main de hussard. Il avait donc procédé par de savantes manœuvres. Il l'avait d'abord étonnée en s'occupant très peu d'elle, tandis qu'il dirigeait de vives attaques contre ses deux cousines. Madame de Rias, qui était et qui savait être la fleur du troupeau, en conçut un peu de dépit et affecta bientôt de lui rendre mépris pour mépris. C'était un premier succès pour lequel M. de Pontis se marqua un bon point. Il s'expliqua. Sa froideur était du respect. On ne faisait point la cour à une femme comme elle. Pourquoi? Parce qu'on la sentait trop au-dessus de ses galanteries vulgaires. Et puis, fallait-il tout dire, elle lui faisait peur. C'était étrange, mais c'était ainsi. Une femme comme elle ne pouvait inspirer qu'un attachement sérieux et durable, une grande passion. Et M. de Pontis avait toujours redouté de s'engager dans une passion de ce genre, précisément parce qu'il savait quel terrible empire elle prendrait sur sa vie. Il avait tort, peut-être, car un tel sentiment serait, sans aucun doute, le terme de cette vie folle dont il commençait à rougir. Ce serait sa réhabilitation et son salut. Mais enfin, il avait peur. Sur ce texte, il y avait de fort jolies choses à dire, et il les dit. L'idée de se perdre pour sauver ce hussard parut d'abord singulière à Madame de Rias. Elle fut cependant flattée d'avoir été choisie entre toutes pour opérer un miracle si remarquable, et tout en se défendant très convenablement d'en être digne et capable, elle permit pourtant insensiblement à son jeune cœur de caresser cette séduisante chimère. Bref, cette intrigue, habituellement poursuivie, semblait approcher des plus graves péripéties quand l'apparition d'un nouveau personnage vint jeter momentanément quelques troubles dans le jeu du vicomte. Vers la fin de juillet, Madame de Loris, dont le mari avait repris la mère quelques mois auparavant, rejoignit la marquise de la Veille à Trouville. Elle était accompagnée de son frère Henri de Quéverne, dont le nom a déjà été prononcé dans ces pages, mais que nous présentons pour la première fois au lecteur. Monsieur de Quéverne était un homme dont l'extérieur froid et un peu sévère cachait une âme profondément aimante. Il portait encore au fond du cœur le deuil d'une jeune femme, charmante et parfaite, il est vrai, qu'il avait perdue une dizaine d'années auparavant. Son désespoir, sous le premier coup de ce malheur, avait été tel que sa sœur avait craint quelques résolutions sinistres. Puis, il s'était jeté dans des voyages lointains, dont l'intérêt et les périls avaient apporté quelques distractions à sa douleur, mais sans jamais l'en consoler. Il avait gardé à travers tout un fond de mélancolie sauvage qui l'éloigne du monde. Quand il rentrait en France, il vivait le plus souvent à la campagne et ne voyait guère que sa sœur, dont l'affection passionnée s'ingéniait sans cesse à le tirer de son isolement. Une fidélité conjugale si extraordinaire était passée à l'état de légende dans la haute société parisienne, où M. de Quéverne était considéré par les femmes comme un héros et par les hommes comme un poseur. Dès le lendemain de son arrivée, Madame de Lorris accourut chez Madame de Rias, avec laquelle elle était toujours liée d'une étroite amitié, bien que sa jeune sagesse blâmât un train d'existence dont Madame de Rias s'excusait sur son abandon et sur ses chagrins domestiques. Après les premiers épanchements, et comme elles se contaient réciproquement leurs nouvelles, « À propos, ma chère, dit Madame de Rias, tu ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai un amoureux. »« N'en as-tu qu'un ? Dit Madame de Lorris. Madame de Rias rougit légèrement. « Oh, quant à cela, reprit-elle, c'est une variété qui pousse assez volontiers sur cette plage. Mais celui-ci est tout nouveau, et puis il m'intrigue, parce que sa figure ne m'est pas inconnue, et je ne puis me rappeler où je l'ai vue. C'est peut-être en rêve. Enfin, il est fort ridicule, ce monsieur. Depuis 3 jours, il me suit partout, à pied et à cheval. Il ne fait que passer et repasser devant ma grille. Hier, j'étais à Trouville, et je l'ai vu le nez collé sur tous les magasins où j'entrais. Ce matin, il m'attendait à la sortie de l'église. Je t'assure qu'il m'ennuie. Quel homme est-ce ? C'est un homme très bien mis, l'air très comme il faut, mais un peu égaré, je ne sais quoi. Enfin, qu'est-ce que tu me conseilles, s'il continue ? Je te conseille de ne pas y faire attention. D'abord, es-tu sûr que ce soit à toi qu'il s'adresse ? Enfant, dit Madame de Rias en levant les épaules. Tiens, ajouta-t-elle presque aussitôt, regarde, le voilà. Elles étaient assises à l'extrémité du salon, dans une sorte d'hémicycle vitré qui avait vue sur la terrasse et dont quelques panneaux étaient ouverts. Madame de Lorris jeta un coup d'œil sur le mystérieux inconnu que Madame de Rias lui désignait de la tête et se mit à rire. « C'est là ton amoureux, dit-elle. Eh bien, ma chère, je souhaite que tu n'en aies jamais de plus redoutable. Tu le connais ? Dit vivement Madame de Rias. Sans répondre, Madame de Lorris se pencha un peu au dehors et agitant son mouchoir, elle appela à demi-voix « Henri !»« Monsieur de Quéverne !» s'écria Madame de Rias. « Lui-même, ma chère. Il est arrivé ici un peu avant moi. Je comptais te le présenter un de ces jours. Voilà l'occasion toute trouvée. Quant à son acharnement à te suivre et à te contempler, pauvre homme, c'est bien innocent, va. Je vais t'expliquer le mystère d'un mot, tu ressembles à sa femme. » Monsieur de Quéverne, cependant, répondant à l'appel de sa sœur avec plus de soumission que d'enthousiasme, avait ouvert tranquillement la grille du petit jardin qui entourait la villa et montait à pas lents l'escalier extérieur du salon. Les deux jeunes femmes s'étaient avancées sur le perron. « Mon frère, dit Madame de Lorris, ma cousine de Rias. » Madame de Rias, qui se souvenait à peine d'avoir entrevu autrefois M. de Quéverne, mais qui connaissait à merveille son histoire, ne trouva pas en lui l'espèce de ténor sentimental et douloureux qu'elle avait imaginé. Petit, alerte et robuste, le teint hâlé, les cheveux noirs et grisonnants sur les tempes, il avait l'apparence d'un officier de chasseur à pied en tenue civile. Le regard qu'il attachait sur elle avec une évidente curiosité était ferme et presque dur. Il s'assit quelques minutes. Il la questionna d'une voix un peu brusque sur ses enfants, sur ses goûts, sur ses plaisirs, reçut ses réponses d'un air froid et distrait, et s'en alla par où il était venu, la laissant médiocrement charmée de sa visite et de sa personne. « Et tu dis que je ressemble à sa pauvre femme ?» demanda-t-elle à Madame de Lorris dès qu'il se fut éloigné. « Beaucoup. Il y a longtemps que j'en ai été frappé, et j'étais sûr qu'il s'en apercevrait. Tu penses vraiment qu'il s'en est aperçu ? Il me l'a dit. On croirait qu'il m'en veut de cette ressemblance. Ce n'est pourtant pas ma faute. Où prends-tu cela ? Il ne te plaît pas alors, mon frère. Comment veux-tu que ton frère ne me plaise pas ? Il est d'une nuance un peu sombre pour mon genre de beauté. Mais il est ton frère, n'est-ce pas ? Donc je l'aime. Veux-tu même que je l'adore ? Dis-le. Non, pas ça. Mais sois aimable pour lui, je t'en prie. Je voudrais tant le sauver de lui-même. Il est si malheureux. Il est si bon. Je lui dois tant. Tu sais que c'est lui qui m'a élevé. et qui a fait de toi la petite perle que tu es ? Interrompit Madame de Rias en embrassant cordialement sa cousine. Eh bien, sois tranquille, ma chérie. Nous l'égayerons, va, nous l'égayerons. Ça n'a pas l'air facile, mais en s'appliquant... Madame de Lauris, toujours préoccupée d'arracher son frère à sa solitude, avait employé sa plus tendre éloquence pour l'entraîner avec elle à Trouville. Elle comptait sur la facilité de relation et sur la familiarité d'habitude qui caractérise les stations de bain, pour le faire entrer tout doucement dans le commerce de la vie. La ressemblance bizarre dont la nature avait doué sa cousine de Rias et l'attrait particulier que cette ressemblance pouvait offrir à son frère n'était certes pas entrée dans ses calculs, mais elle y vit une chance de succès dont elle s'empara sans aucun scrupule, car cette sage jeune femme était pourtant une femme, et sa passion fraternelle, qui était à peu près l'unique passion de son cœur, lui dissimula ce qu'il y avait d'un peu équivoque à utiliser, même au profit des plus honnêtes desseins, une circonstance si délicate. Madame de Rias, de son côté, comprit à demi-mot le rôle qui lui était assigné par la diplomatie de Madame de Lauris, et elle l'accepta avec une bonne grâce à laquelle se mêlait une forte dose de curiosité et peut-être de malice. Cet innocent complot ne rencontra pas chez M. de Quévernes toute la résistance que l'on pouvait craindre. Sa sœur, pendant les longues absences de son mari, était condamnée à une existence bien retirée et bien austère pour son âge. Il était son seul protecteur. Il pouvait seul lui donner un peu de liberté et de distraction en l'accompagnant de temps en temps dans le monde. Il s'était souvent reproché de ne pas en trouver le courage. Peut-être le trouva-t-il à son insu dans l'espèce d'intérêt mélancolique que lui inspirait Madame de Rias. Quoi qu'il en soit, il consentit à dîner chez elle le lendemain. Elle le convia dans la soirée à la suivre le surlendemain avec sa sœur dans une partie de campagne, et il y consentit encore, si bien qu'elle n'hésita pas à croire que M. de Quévernes était un homme surfait et au-dessous de sa réputation. Son innocence enfin commence à lui peser, dit-elle en riant à sa cousine de Chelles, par un souvenir classique emprunté au mardi du Théâtre Français. Au retour de la fête champêtre, où M. de Quévernes s'était montré d'une humeur encourageante, on dansa chez Madame de Rias. Elle jugea plaisant d'affirmer sa puissance en faisant danser ce veuf inconsolable, et courant à lui tout à coup, elle essaya de l'enlever pour une valse. M. de Quévernes la refusa par un non fort sec appuyé d'un regard glacial. Peu habituée à ces sortes d'échecs, la jeune femme fit avec dépit une profonde révérence et alla cacher sa confusion dans les bras du vicomte Roger qui ne demandait pas mieux. La valse terminée, elle alluma une cigarette comme par bravade. M. de Quévernes s'approcha d'elle et la saluant d'un sourire qui donnait à son grave visage un charme très doux. « Je vous demande pardon, » lui dit-il. « Vous m'avez trouvé bien maussade tout à l'heure, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Voyons, madame, » reprit-il avec bonté. « Entendons-nous bien tous deux. Par amitié pour ma sœur, et pour avoir le plaisir de vous rencontrer, je me suis décidé à reparaître dans le monde. Je tâche de ne pas y être un trouble-fête. Je ne viens pas y étaler mes chagrins personnels, mais vous les connaissez. Pourquoi ne les respectez-vous pas ? Pourquoi voulez-vous me rendre ridicule ? Ce n'est pas bien, ce n'est pas d'une amie. Et j'espérais que vous en seriez une pour moi. » Il y avait dans ces simples paroles un ton de franchise et de confidence qui toucha Madame de Rias, dont le cœur était affolé, mais nullement dépravé. Elle tendit la main à M. de Quévernes et lui dit avec une affectueuse gaieté « Une seconde sœur, alors ?»« Je vous en prie, » dit Quévernes. Après une pause et une bouffée de cigarette, elle reprit d'un air sérieux. « Il est certain que j'aurais assez besoin d'un frère. » M. de Quévernes s'inclina sans répondre. « Vous le pensez, n'est-il pas vrai ? » demanda-t-elle. « Vous me le dites. Quand vous ne serez pas content de moi, vous me gronderez, n'est-ce pas ? Soit, tout de suite, si vous voulez. Ah, voyons, eh bien, dit-il en souriant, ne fumez pas. Une teinte rosée couvrit les traits charmants de la jeune femme. Elle laissa tomber sa cigarette. C'est entendu, dit-elle, et elle se mit au piano. Dans les jours qui suivirent, Madame de Rias se fit un aimable jeu de soumettre ses faits et gestes à l'appréciation et au contrôle de M. de Quévernes. Elle l'interrogeait sur ses toilettes, n'était-elle pas trop tapageuse, sur sa manière de valser, était-elle suffisamment convenable, sur certaines expressions dont elle se servait, n'était-elle pas trop verte et trop familière, approuvait-il qu'elle eût des bottes jaunes, devait-elle porter une canne. M. de Quévernes se prêtait à ses enfantillages avec une sorte d'ironie tranquille et un peu dédaigneuse. Mais elle ne laissait pas d'entrevoir qu'il blâmait généralement tout ce qu'elle disait et tout ce qu'elle faisait, dans l'ensemble et dans les détails. « Décidément, ma chère, dit-elle un jour à Madame de Loris, ton frère est un gêneur. » Ce gêneur, cependant, l'occupait et lui imposait. La forte personnalité de M. de Quévernes, sa supériorité intellectuelle, la teinte romanesque de sa vie, l'autorité de son caractère à la fois énergique et doux, lui inspirait un respect mêlé d'attrait. Peut-être n'eût-il dépendu que de lui de prendre dans le cœur de la jeune femme la place qu'avait usurpée le vicomte de Pontis. Mais c'est à quoi M. de Quévernes ne songeait pas. Il se renfermait scrupuleusement dans l'emploi fraternel que Madame de Rias lui avait attribué, et quand sa jeune amie, entraînée par ses habitudes de coquetterie, essayait d'agiter un peu leur relation, il avait des sévérités de regard et des brusqueries impérieuses de langage qui réprimaient impitoyablement ses manœuvres irrégulières. Les femmes, malheureusement, n'aiment pas beaucoup qu'on les aime à demi, et Madame de Rias, dans la crise qu'elle traversait alors, avide d'intéresser et de passionner sa vie, était moins disposée que tout autre à goûter les simples douceurs d'une mutuelle sympathie. Le bouillant vicomte, excité par la lutte, redoublait en ce moment même d'habileté, de verve et d'audace. Il s'était hasardé à écrire, et en recevait ses lettres. Pour qui savait y voir, les apartés fréquents, les coups d'œil échangés, les regards suppliants d'un côté, attendris de l'autre, tout annonçait le dénouement prochain et fatal de l'aventure. Ces symptômes précurseurs devaient d'autant moins échapper à M. de Quévernes que Madame de Rias paraissait mettre une étrange affection à leur rendre témoin. Il y a dans le cœur des femmes des mystères si insondables que nous n'entreprendrons pas de deviner pourquoi Madame de Rias, si curieuse en général de plaire à M. de Quévernes, le soumettait à ces épreuves qui ne pouvaient que lui être désagréables. Elle fit mieux encore. Par une belle soirée d'août, comme on revenait en cavalcade d'une ferme que M. de Chelles possédait aux environs de Caen, et où l'on avait dîné fort joyeusement, elle faussa tout à coup compagnie au vicomte Roger pour joindre M. de Quévernes, qui marchait un peu à l'écart, et profitant des ombres de la nuit, elle lui tint ce singulier langage. « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Voyons, madame. Votre amitié m'est très précieuse, de plus en plus précieuse. J'en suis très heureux. Mais croyez-vous qu'une amitié, si précieuse qu'elle soit, puisse remplir le cœur d'une femme ? Je n'ai pas cette prétention. Eh bien, si un jour un sentiment plus puissant s'emparait de ma vie, si je lui sacrifiais des devoirs, dont on a tout fait pour me dégager, vous le savez, pourrais-je toujours compter sur votre amitié ? Non, dit froidement Quévernes. Comment non ? Pourquoi ? Ne serait-elle pas, dans mon malheur, dans ma faute, si vous voulez, plus utile, plus secourable que jamais ? C'est possible, mais le rôle de confident d'un amour coupable ne me convient pas. Du moins, si cela arrivait, vous ne m'en voudriez pas. Je vous en voudrais beaucoup. Est-ce parce que vous seriez jaloux ? Je ne serais pas jaloux car je n'ai pas d'amour pour vous, et je n'en puis avoir. Les souvenirs que vous me rappelez me défendent contre vous-même, mais je vous en voudrais beaucoup d'attacher une sorte de flétrissure à ces souvenirs, comprenez-vous ? Non, dit-elle, c'est trop subtil pour moi. Elle cravacha son cheval et alla reprendre rang dans le groupe principal où il l'entendit rire aux éclats. Au retour, un souper attendait les gens de la fête dans le chalet que Madame de Chelles occupait sur la plage de Villers. On devait naturellement danser ensuite jusqu'à l'aurore. M. de Quévernes, qui désirait distraire sa sœur, mais pas à ce point-là, refusa de s'arrêter à Villers et continua avec elle son chemin vers Trouville. Ils avaient le matin amené Madame de Rias, dont la mère était allée passer quelques jours à Paris. Il était naturel qu'elle retournât en leur compagnie et qu'ils la remissent chez elle en passant. Mais elle ne voulut pas partir de si bonne heure, et il fut convenu qu'elle serait reconduite un peu plus tard par sa cousine de Chelles, laquelle ne se couchait jamais qu'à la dernière extrémité. Après quelques minutes d'une marche silencieuse sous le charme d'une nuit d'été, « Louise, » dit brusquement M. de Quéverne à sa sœur, « cette pauvre enfant est perdue. »« Oh, mon ami !» s'écria douloureusement Madame de Loris. « Parfaitement. C'est ennuyeux. Son mari n'est pourtant ni un sot ni un drôle. À quoi pense-t-il »«